fruit de ta jeunesse. Dans la grande ville trop gourmande, deviens-tu serveur de caresses, toi qui voulais changer le monde. La vie des automates, toi qui as la liberté au ventre, est-ce que tu peux sourire chaque fois quand le pourboire te le demande? Es-tu marin sur des eaux troubles, petit mousse d'un bateau sans âme qui soupire toujours quand le vent souffle et qui dérive s'il s'éloigne? Dis que tu es devenu de la tendresse, ou bien divorcé de l'espérance, t'es-tu quitté sans laisser d'adresse? Fais-le le nom de ton mirage, à quel piège t'es-tu laissé prendre? Est-ce que tu mendies des coquillages pour écouter la mer t'attendre? Dans la grande ville trop gourmande, où vis-tu toujours dans le village, où quelquefois tu crois m'entendre? Dis qu'es-tu devenu pieds nus.